الحمد لله الحمد لله رب العالمين La louange est à Dieu, Seigneur des univers. إذا أعطى أغنى Quand il donne, il enrichit. وإذا أحب اصطفى اختار واصطفى Et quand il aime, il sélectionne. Il fait entrer dans le cercle des vertueux. وَإِذَا تَابَ عَفَى Et quand il accepte le repentir, il pardonne. Quand il aime, il sélectionne. Quand il accepte le repentir, il pardonne. إِذَا أَعْطَى أَغْنَى وَإِذَا أَحَبَّ اصْطَفَى وَإِذَا تَابَ عَفَى وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين Et j'atteste qu'il n'y a aucune divinité à part Dieu, tuteur des vertueux. صام في يوم من الأيام صام حاتم الأصم Un de ces jours, Hatem le sourd a observé le jeûne. وفي المساء قدم إليه الطعام Le soir, on lui a présenté le repas. فَجَاءَ سَائِلٌ Un mendiant est arrivé à l'heure même. فَدَفَعَ ذَلِكَ إِلَيْهِ Il a donné tout son repas au mendiant. فَفِي الْحَالِ جَاءَهُ مِنْ عِنْدِ النَّاسِ طَبَقٌ عَلَيْهِ مِنْ كُلِّ لَوْنٍ مِنَ الْأَطْعِمَ وَالْحَلْوَى Et tout de suite, une assiette lui est venue de la part des voisins qui contenait toutes sortes d'aliments et de gâteaux. فَأَتَاهُ سَائِلٌ Et un autre mendiant est venu. فَأَعْطَاهُ إِيَّهُ Il lui a tout donné. فَجَاءَ إِنْسَانٌ بِصُرَّةٍ فِيهَا دَنَانِيرٍ كَثِيرَةٍ Et tout de suite, un homme est venu vers Hatem et lui a donné une bourse contenant plusieurs pièces de dinars. Un sac contenant beaucoup de pièces de dinar. فَصَاحَ حَاتِمْ Hatem a crié الْغَوْثْ الْغَوْثْ مِنْ خَلَفْ au secours de خَلَفْ ou aidez-moi contre خَلَفْ خَلَفْ c'est le remplacement. وَكَانَ بِجِوَارِهِ إِنْسَانٌ يُسَمَّ خَلَفًا À côté de lui, il y avait un homme qui s'appelait خَلَفْ entre guillemets, remplacement. فَقَالَ لَهُ النَّاسِ لِمَ تُؤْذِي الشَّيْخَ حَاتِمًا Les gens lui disent, pourquoi tu fais du mal à notre sheikh, à notre maître, Hatem قَالَ حَاتِم Hatem leur dit, إِنِّي لَأَسْتَغِيثُ مِنْهُ Je ne demande pas secours contre lui. وَإِنَّمَا عَجَزْتُ عَنْ شُكْرِ اللَّهِ لِكَثْرَةِ مَا يُعَجِّلْ لِي مِنَ الْخَلَفِ أنا أعطي وفي نفس الوقت يأتي عطاء الله تعالى وتبارك يخلف الله بهذه السرعة Et il leur dit, j'étais incapable de remercier Dieu pour l'abondance, pour ces nombreuses ou ces nombreux remplacements qu'il me faisait. Chaque fois que je donnais, Dieu me remplaçait tout de suite ce que j'ai donné. Ya Rab, سبحان من يعطي بغير حساب ملك الملوك ووارث الأسباب ومدبر الدنيا وجاعل ليلها سكنا ومنزل غيث كل سحاب يا نفس لا تتعرضي لعطية إلا عطية ربك الوهاب وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله الصادق الأمين Et j'atteste que notre maître et bien-aimé Mohammed est l'envoyé de Dieu sincère et véridique. Rawa sallallahu alayhi wa sallam anillahi ta'ala wa tabaraka annahu qal Il a rapporté prière Isaïe sur lui, sur Dieu comme quoi le Très-Haut a dit Ya ibadi, ô mes serviteurs, law anna awwalakum wa akhirakum dans le cas où vos premiers et vos derniers وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ Et dans le cas où vos humains et vos génies قاموا في صعيد واحد, se mettent dans un même et unique lieu. يعني ملايير الملايير من الملايير من الآدميين والجنيين في صعيد واحد. C'est-à-dire des milliards, de milliards, de milliards, de milliards d'humains et de génies qui se mettent dans un même lieu. فسألوني. Et dans le cas où chacun me fait sa demande. فأعطيت كل إنسان مسألته. Et dans le cas où je donnerai à chacun parmi eux ce qu'il a demandé. ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. Ce que je leur donnerai tous ne va pas diminuer de ce que je possède comme ce que diminue une aiguille lorsqu'on la plonge dans la mer et on la ressort. رواه الإمام مسلم, rapporté par l'imam مسلم. وقال الإمام أحمد بن حنبل, et l'imam أحمد بن حنبل dit à propos de ce hadith, ليس لأهل الشام, هم الذين رووا هذا الحديث, ليس لأهل الشام حديث أشرف من هذا الحديث. Les gens de la Sichem, l'imam Ahmed dit, la Sichem c'est la Jordanie, la Syrie, la Palestine, les gens de la Sichem n'ont pas un hadith plus noble que celui-ci. Sayyidi, Amir al-Anbiya, maître, émir des prophètes, sallallahu alayka adada nujoum al-sama, que les prières de Dieu soient pour toi au nombre des étoiles du ciel, wa rimal al-sahra, et au nombre des sables du désert, wa awladi adam wa hawa, et au nombre de la descendance d'Adam et Ève. Amma ba'd, ayyuha al-ikhwatu wa al-akhawatu fil islam, après ceci mes frères, mes sœurs en islam, ahbab al-habib Muhammadin al-Mustafa, très cher ou bien-aimé Muhammad al-Mustafa, alayhi afdalu salati wa azka salam, pour lequel on souhaite les meilleures prières et les hautes salutations. اخترت لكم اليوم أن نعيش مع الوهاب. J'ai choisi pour vous de vivre, qu'on vive aujourd'hui avec الوهاب, le donateur par excellence. اسم من أسماء الله الحسنى, un nom parmi les noms d'excellence de Dieu. وكالعادة أسأل بعض الأسئلة. Et comme d'habitude, je vais poser quelques questions. As-su'al al-awwal, la première question, ma ma'na al-wahhab, quelle est la signification du wahhab, le donateur par excellence? Al-jawab, la réponse, al-wahhab huwa alladhi yu'ti 'ata'an kabiran, et celui qui donne un grand, un immense don, min ghayri muqabil, et ceci sans contrepartie. Il donne une grande donation, immense, mais sans contrepartie. Min ghayri shart, sans condition. Yu'tik wa la yatlubu minka shay'an fil muqabil. Il te donne, mais il ne te demande rien en contrepartie. Hada huwa al-wahhab, tel est al-wahhab, tel est le donateur par excellence. As-su'al al-thani, la deuxième question. Ma al-farq بين الواهب والوهاب, quelle est la différence entre واهب, donateur, et وهاب, et donateur par excellence? الجواب, la réponse, الواهب يعطي مرة, الواهب, le donateur donne une fois, مرتين, il donne peut-être deux fois et il arrête, وينتهي. أما الوهاب, tandis que الوهاب, le donateur par excellence en permanence, فيعطي دائما, il donne toujours, يعطيك طول حياتك, il te donne pendant toute ta vie, ويعطي بكثرة, et lorsqu'il donne, il donne en abondance, وبسخاء وبجود, et il donne avec générosité. السؤال الثالث, la troisième question, هل هناك في العالم وهاب غير الله, y a-t-il dans le monde un wahhab, un donateur par excellence à part Dieu? الجواب, la réponse, لا إله إلا الله, il n'y a aucune divinité à part Allah. لا وهاب إلا الله, il n'y a aucun wahhab à part Allah. يقول الوهاب في آية قرآنية, الوهاب dit dans un verset coranique, وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ, أي نعمة عندك هي من الله, وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ famine Allah, tout ce dont vous jouissez comme bienfait provient de Dieu, provient de Allah. Ayyu ni'ma indak, n'importe quelle grâce, n'importe quel bienfait que t'as, tout la hayatik, et pendant toute ta vie. Fa inna al-wahhab huwa alladhi arsalaha ilayka anta bismik fulan bin fulan. La mienne sakal wahhab, subhanahu wa ta'ala. N'importe quel bienfait que t'as reçu pendant toute ta vie est envoyé à toi de la part de l'wahhab. À toi exactement et non pas un autre. هل تعرف كم من نعمة أعطاك الوهاب؟ Sais-tu, frère ou sœur, combien de bienfaits الوهاب t'a donné؟ يجيب الوهاب في آية قرآنية. C'est الوهاب, c'est le donateur par excellence qui va donner la réponse dans un verset coranique. وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. إِن كُنْتَ غَيْر قَادِر عَلَى إِحْصَائِهَا. فكيف تستطيع شكرها؟ أنت لا تستطيع أن تحصي نعم الله، فكيف ستستطيع شكرها مع العلم أن كل نعمة يجب أن تشكر؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. لماذا قال الله هنا إن الله لغفور رحيم؟ لغفور للذنوب ومن بينها التقصير عن شكرة عن شكر النعمة ورحيم بحيث يعطي العباد النعم ولو لم يشكروا نعمه هو رحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم certes Dieu non si vous énumérez les bienfaits de Dieu vous n'en connaîtrez point le nombre vous êtes incapable de les compter si tu es incapable de compter les bienfaits de Dieu sur toi comment pourras-tu rendre grâce devant ses grâces ou devant ses bienfaits. Tu seras même incapable de les remercier. Certes, Dieu est parfaitement absoluteur et miséricordieux, absoluteur pour les péchés et pour le manquement de rendre grâce ou de remercier ses bienfaits et miséricordieux, même dans le cas où on ne rend pas grâce, il ne donne quand même toujours parce qu'il est miséricordieux. رأيتم كم أعطانا الواهب avez-vous vu combien le donateur par excellence nous a donné كل نعمة منه toute grâce tout bienfait provient de lui ونعمه على كل واحد منا لا متناهية et ses bienfaits pour chacun de nous ses bienfaits sont infinis pour chacun de nous تخيل إنسانا عرف الوهاب imagine avec moi frère ou sœur quelqu'un qui a connu Al-Wahhab, le donateur par excellence. عرف أن كل النعيم الذي يعيش فيه آت له من الوهاب. Il a connu avec précision que toute grâce, tout bienfait dans lesquels il est en train de vivre, toutes ces grâces, tous ces bienfaits proviennent uniquement de la part de Al-Wahhab. كيف سيحب Al-Wahhab? Comment va-t-il aimer الوهاب كيف سيعيش للوهاب comment va-t-il vivre uniquement pour الوهاب هل سيغضب الوهاب va-t-il un jour fâcher الوهاب وأعود مرة أخرى للسؤال الثالث une autre fois je reviens pour répondre à la troisième question هل هناك في العالم وهاب غير الله y a-t-il dans le monde un autre وهاب à part Dieu الجواب لا وهاب إلا الله. La réponse, il n'y a aucun وهاب, aucun dispensateur de dons à part Allah. أسأل سؤالا آخر. Je pose une autre question. لماذا لا وهاب إلا الله؟ ونحن نرى في حياتنا ناسا يعطون لآخرين. Pourquoi il n'y a pas d'autres donateurs dans le monde à part Dieu, malgré qu'on voit dans notre vie des gens qui donnent beaucoup à d'autres. فهم إذن وهابون. Donc ces gens sont des donateurs eux aussi. الجواب, la réponse. كي تكون وهابا لا بد من شرطين. Afin que tu sois un وهاب, afin que tu sois un donateur par excellence, tu dois accomplir ou tu dois avoir ou tu dois remplir deux conditions. Al-awwal, la première condition, an tu'ti min malik al-khass, que tu donnes, que tu offres de tes biens propres à toi, de ton argent propre, de ta fortune propre. Wa idha fattashna, si on fait une recherche, لن نجد شخصا في العالم له مال خاص. On ne va trouver personne dans le monde qui a des biens propres à lui ou une fortune propre à lui. فالمال مال الله. L'argent qui circule dans le monde n'est que l'argent de Dieu. والمال أمانة إلهية عند الناس. L'argent n'est qu'un dépôt divin auprès des gens. Les gens ne possèdent pas, mais ils sont uniquement des dépositaires. فَلَا مَالِكَ حَقِيقَةً لِلْمَالِ إِلَّا اللَّهِ. Donc le vrai possesseur de l'argent dans le monde n'est que Dieu. فَاللَّهُ لَمَّا يَهَبْ. Lorsque Dieu donne, lorsque Al-Wahhab donne, يَهَبُ مِنْ مَالِهِ. Il donne de son propre argent, de ses propres biens. لأنه المالك الحقيقي, parce qu'il est le possesseur réel et véridique. أما الإنسان لما يعطي, mais lorsque l'homme ou la personne donne, فيعطي من مال الله, il ne donne que de l'argent de Dieu. Donc il n'a pas la première condition. الشرط الثاني, la deuxième condition. كي تكون وهابا فعليك أن تعطي من غير مقابل. Afin que tu sois donateur par excellence, tu dois offrir, tu dois donner, mais sans contrepartie. وهذا غير موجود في العالم. Et ceci n'existe pas dans le monde. كل من يعطي يبحث عن مصلحة. Toute personne dans le monde, à part Dieu, toute personne qui donne cherche un quelconque intérêt. ربما يعطي لتحسين سمعته. Peut-être il donne afin d'embellir son image auprès des gens. في مقابل, il y a une contrepartie. ربما يعطي من أجل الشكر, شكر والثناء حتى نشكر, حتى نشكره. Peut-être il donne afin qu'on dise du bien de lui, qu'on le remercie, qu'on fait des éloges à son égard. في مقابل, il y a une contrepartie. وإن كان مؤمنا صادقا, dans le cas où le donateur est un croyant véridique, sincère, فهذا المؤمن يعطي ولا يريد مقابلا عند الناس. Ce croyant donne, mais il ne cherche pas de contrepartie auprès des gens. ولكنه يريد مقابلا عند الله. Mais en donnant, il cherche une contrepartie auprès de Dieu. يريد التواب. Il cherche la récompense, il cherche le salaire auprès de Dieu. يريد الجنة. Il cherche le paradis. إذن فيه مقابل. Donc il y a une contrepartie. لهذا الوهاب الوحيد في الكون هو الله. Raison pour laquelle l'unique وهاب dans le monde n'est que Dieu. لا إله إلا الله. Il n'y a aucune divinité à part Allah. هناك ملاحظة. Il y a une remarque. لما ترى إنسانا وهبك شيئا, lorsque un jour quelqu'un, une personne te donne quelque chose de valeur, فاعلم بأن الله هو الذي وهبك, sache immédiatement que c'est Dieu qui t'a donné. لأن الله هو الذي خلق في قلبه أولا فكرة العطاء, parce que c'est Dieu qui a créé au premier lieu dans le cœur du donateur l'idée même de donner. ثم الله هو الذي حبب إليه أن يعطيك أنت وليس لغيرك. Et deuxième lieu, c'est Dieu qui lui a fait aimer dans le cœur de te donner toi et non pas l'autre et non pas ton voisin. ثم الله هو الذي قدره على العطاء. Et par la suite, c'est Dieu qui lui a donné la faculté, la possibilité, la capacité à donner. وإلا يقول لك, sinon il va te dire, أحببت أن أعطيك, j'ai aimé te donner, ولكن آسف لم أستطع, mais je suis désolé, je l'ai pas pu. العين بصيرة واليد قصيرة. L'œil a bien vu, mais la main n'a pas pu suivre. فالوهاب الحقيقي هو الله. Donc le vrai donateur est Dieu. فنشكر الله. On remercie Dieu par la suite. نحمد الله. On proclame les louanges à Dieu. نبكي فرحا أمام الله. On pleure de joie devant Dieu. ولكن لا ننسى أن نشكر كذلك الإنسان الذي استعمله الله في العطاء. Mais en même temps, on ne doit pas oublier de remercier la personne utilisée par Dieu dans ce don. قال النبي صلى الله عليه وسلم. Le prophète prière et sage lui dit: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. Celui qui ne remercie pas les gens n'a pas remercié Dieu. رواه الترمذي ورواه الإمام أحمد. Rapporté par l'imam الترمذي et rapporté par l'imam أحمد. السؤال الرابع, la quatrième question. اذكر لنا بعض الأمثلة من الهبات الإلهية. Cite-nous quelques exemples parmi les dons ou les donations divines. الجواب, la réponse. سأعطي بعض الأمثلة, لا كل الأمثلة. Je vais donner quelques exemples et non pas tous les exemples. المثال الأول, le premier exemple. قال الوهاب سبحانه وتعالى, الوهاب le très haut dit dans un verset coranique: ألم نجعل له عينين. هو من أين أتيت بالعينين. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. Nous l'avons-nous pas doté de deux yeux? D'où tu as apporté tes yeux? Nous l'avons-nous pas doté de deux yeux, d'une langue et de deux lèvres? Al-Wahhab, wahabak al-wujud. Al-Wahhab t'a offert l'existence. Tu étais un néant. Il t'a offert l'existence. C'est un don. Hadihi hiba. Wahabak al-hayat. Il t'a offert la vie. Il s'agit d'un autre don. Hadihi hiba. وهبك جسما متناسقا. Il t'a offert un corps harmonieux. هذه هبة. Il s'agit d'un don. عينين, deux yeux. أذنين, deux oreilles. أنفا, un nez. شفتين, deux lèvres. لسانا, une langue. يدين, deux mains. رجلين, deux pieds. قلبا به تحب, un cœur avec lequel tu peux aimer. عقلاً به تفكر, une raison avec laquelle tu réfléchis, إلى آخره, etc. هبات عظيمة, des dons gigantesques. بكم تشتري الحياة؟ تخيل موتك, imagine ta mort, à quel prix vas-tu acheter la vie؟ ها أنت حي, te voici maintenant vivant. بكم تشتري البصر؟ تخيل نفسك أعمى, imagine-toi aveugle, à quel prix tu vas acheter la vue. بكم تشتري السمع؟ تخيل نفسك أصم, imagine-toi sourd, à quel prix vas-tu acheter l'audition. بكم تشتري الكلام؟ تخيل نفسك أبكما, imagine-toi muet, à quel prix tu vas acheter la parole. بكم تشتري العقل؟ تخيل نفسك أحمقا, تتكلم وحدك والناس يضحكون عليك, imagine-toi fou. Tu parles seul. Les gens sont toujours en train de rire sur toi. À quel prix vas-tu acheter la raison? As-tu vu combien Al-Wahhab t'a donné? Al-Mithal al-Thani, le deuxième exemple. Al-Wahhab a'taka mawhiba. Al-Wahhab, il t'a donné un talent, un don. Tu es génie quelque part. T'as un génie quelque part. أنت موهوب, tu es talentueux. هناك من أعطاه الله, أعطاه الوهاب موهبة في الرسم. Il y a celui auquel الوهاب a donné un talent dans le dessin. موهبة في الرياضة, un don dans le sport. موهبة في الصوت الحسن, un don à travers une belle voix. موهبة في الفن, un don dans l'art. موهبة في الرياضيات, un don dans les mathématiques, إلى آخره, etc. وعلى كل واحد منا أن يبحث عن موهبته. Et chacun de nous doit chercher au sein de lui-même ses talents, ces dons que Dieu lui a donnés. Et chacun de nous doit remercier Dieu en utilisant ses dons, ses talents dans le domaine du halal. Mithal, je donne un exemple. واحد عنده صوت جميل, quelqu'un qui jouit d'une belle voix. هل سيقرأ به القرآن? Va-t-il avec cette voix réciter le Coran, psalmodier le Coran? هل سينشد به أناشيد إسلامية avec cette belle voix? Va-t-il chanter des chants religieux d'islam? أم سيغني به أغاني الحب والحرام? Ou va-t-il avec cette belle voix chanter des chansons d'amour et d'interdit? وكل واحد سيسأل غدا يوم القيامة عن موهبته. Et chacun de nous sera interrogé demain le jour de la résurrection à propos de ses talents. المثال الثالث, le troisième exemple. قال الله تعالى الوهاب, le très haut, dit dans un verset coranique, يهب لمن يشاء إناثا, يهب لمن يشاء إناثا, ويهب لمن يشاء الذكور. Il donne à qui il veut des filles, et il donne à qui il veut les garçons. فالأولاد هبة من الله. Les enfants sont un don de la part de Dieu. وعليك أن تشكر هذه النعمة بتربيتهم تربية إسلامية. Et tu dois rendre grâce devant ce don en éduquant les enfants une éducation musulmane. وهنا أقوم بملاحظة. Là je formule une remarque. قالوا بأن العلم يسمح الآن بأن يختار الوالدان نوعية جنس الأولاد. Ils ont dit que la science permet aujourd'hui de choisir le sexe des enfants. وبدأ الناس في الصين باختيار جنس أولادهم. Des gens ont commencé en Chine à choisir le sexe de leurs enfants. أقول لو سمحنا للناس أن يختاروا جنس الأولاد. Je dis dans le cas où on autorise aux gens de choisir le sexe de leurs enfants, la حصل الخلل في التوازن الذي اختاره الله في هذا الكون. Il y aurait un déséquilibre. Si on autorise ça, il y aurait un déséquilibre à propos de l'équilibre choisi par Dieu dans ce monde. والضحية ستكون هي البشر. La victime sera appelée l'humanité. Le perdant sera l'homme. لأن عدد النساء سيصبح أكبر بكثير أو أقل بكثير من عدد الرجال. Parce que le nombre des femmes dépassera de loin ou sera inférieur de loin au nombre des hommes. وهذا سيسبب جرائم في المستقبل. Ceci va causer des crimes dans l'avenir. فالله يهب الأولاد بناتا وذكورا بحكمة وعلم. Dieu accorde, donne des enfants de sexe masculin ou féminin avec sagesse divine et avec science divine. أما نحن فليست لنا الحكمة الإلهية. Nous on n'a pas la sagesse divine. وليس لنا العلم الإلهي. Et on n'a pas la science divine. لا نعرف ماذا يجري في المستقبل إذا كثر عدد الرجال أو كثر عدد النساء. On ne sait pas qu'est-ce qui arrive dans l'avenir dans le cas où le nombre d'hommes dépasse beaucoup le nombre de femmes ou le nombre de femmes dépasse beaucoup le nombre d'hommes. المثال الرابع, le quatrième exemple, أذكر فيه عدة شخصيات. Dans ce quatrième exemple, je vais citer plusieurs personnalités. الشخصية الأولى, la première personnalité, طالوت. اختاره الله ملكا لبني إسرائيل. طالوت, Dieu l'a choisi, l'a sélectionné comme roi pour les enfants d'Israël. قال تعالى, Dieu dit dans un verset coranique, إن الله اصطفاه عليكم. هذا الاصطفاء هبة. هبة من الله له. إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. بسطة في العلم, عنده علم كبير, هذه هبة. عنده بسطة في الجسم, قوي في الجسم حتى يكون ملك, هذه هبة من الله. والله يؤتي ملكه, إيتاء الملك هبة من الله تعالى وتبارك. انظروا الهبات الإلهية. والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. Dieu, à propos de Talut, Dieu l'a élu à votre tête. Cette élection est un don. Il va lui donner la royauté et lui donne lui a donné de plus que vous une large mesure de savoir et de corpulence La large mesure de savoir est un don. La large mesure de corpulence, un corps fort pour être un vrai roi est un don. Dieu donne sa royauté à qui il veut. La royauté est un don. Et Dieu est plein de largesse et de savoir. À Charsiyatani, à la deuxième personnalité, Luqman al-Hakim, alayhi salam. Luqman le sage, prière et salut sur lui. Qala ta'ala, Dieu dit, وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ الْحِكْمَةَ أَتَاهَا اللَّهُ لَهُ هَذِهِ هِبَةَ وَهَبَهُ الْحِكْمَةَ أَنُشْكُرْ لِلَّهِ إِذَا أَتَتْكَ الْهِبَةَ فَشْكُرْ لِلَّهِ مُقَابِلَ الْهِبَةَ. Nous avons effectivement donné à Luqman la sagesse. La sagesse est un don. Rends grâce à Dieu. Lorsque tu reçois n'importe quel don de Dieu, tu dois en rendre grâce. فَالْحِكْمَ هِبَ إِلَهِيَ. À شَخْصِيَ الثَّالِثَ, la troisième personnalité, Al-Khadr, alayhi salam, le verdoyant Al-Khadr, que les salutations soient pour lui. قَالَ عَنْهُ الْوَهَابِ. Al-Wahhab dit à son propos, آتيناه رحمة, هذه الرحمة هبة, آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. هذا العلم اللدني هبة من الله تعالى وتبارك. À qui, ça veut dire Al-Khadr ou le verdoyant, à qui nous avions donné une miséricorde. Donc la miséricorde là est un don de notre part, et à qui nous avions enseigné une science venant de nous. Donc cette science divine est un autre don. هذه التقنية المعاصرة, cette technologie moderne, الاكتشافات العلمية المعاصرة, les découvertes scientifiques actuelles, الاختراعات الحالية, les inventions actuelles, هبة من الله للإنسانية, est un, tout ça c'est un don de la part de Dieu pour l'humanité. هو الذي وهب الفكرة للباحث, c'est lui qui a donné l'idée au départ à celui qui fait des recherches dans son laboratoire. الشخصية الرابعة, la quatrième personnalité, Ibrahim alayhi salam, al-Shaykhu al-Aqim. Yani, fi zaman al-Shaykhu, kana la zala aqiman, la awlada lah. Abraham, prière et sur lui, le vieillard stérile. Qala anhu Allah, Dieu dit à son égard, wa wahabna hiba, wa wahabna lahu ishaq, wa ya'qub, yani hafid. له ابن ابنه حفيد ويعقوب نافلة. هذه زيادة ما طلبها إبراهيم, نحن أعطيناه إياها نافلة. وكلا جعلنا صالحين. Nous lui donnâmes Isaac et Jacob en surplus, et nous en fîmes tous des gens vertueux. فالولد إسحاق هبة. L'enfant Isaac était un don. وصلاح إسحاق هبة أخرى. La vertu qu'avait Isaac était une autre vertu ou un autre don. Wa Yaqub hafid hiba. Jacob le petit-fils est un don. Wa salah Yaqub hiba ukhra. Et la vertu de Jacob était un autre don. Qala al-Wahhab fi aya ukhra. Al-Wahhab dit dans un autre verset coranique, wa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابِ. Nous lui donnâmes Isaac et Jacob et plaçâmes dans sa progéniture la prophétie et le livre. إِذَا أَعْطَاكَ اللَّهُ الْأَوْلَادِ فَهَذِهِ هِبَةٌ. Quand Dieu te donne, mon frère ou ma sœur, des enfants, il s'agit là d'un don. وَأَعْظَمْ مِنْهَا أَنْ يَجْعَلَهُمْ صَالِحِينَ. Et plus énorme comme don que le premier, c'est de faire que Dieu fasse de tes enfants des vertueux. Parce que toi, tu es incapable de rendre tes enfants vertueux. أنت لا تستطيع أن تجعل أولادك صالحين. النعمة الهبة هي أن يهبك الأولاد وأن يجعل الأولاد صالحين. هذه هبة عظيمة. Il s'agit d'un don gigantesque que les enfants soient vertueux. كم من طبيب لم يستطع أن يجعل من ابنه طبيبا. Combien de médecins qui n'a pas pu faire de son fils un médecin comme lui. كم من رجل صالح وابنه عاص يتعبه يبكي. Combien d'hommes vertueux, son fils qui est désobéissant, qui est malheureux, qui est pécheur, qui fatigue trop son père, qui fait pleurer son père. تخيل رجلا وزيرا. Imagine avec moi un homme qui est un ministre. هل يستطيع أن كل أولاده يصبحوا وزراء مثله؟ Est-ce que ce ministre est capable de faire de tous ses fils des ministres comme lui؟ ويكون أحفاده وزراء et que ses petits-fils soient des ministres والوزارة تكون في ذريته et que le ministère soit réservé à sa descendance لا يمكن أبدا ceci est impossible الوهاب سبحانه وتعالى الوهاب le très haut وهب النبوءة لإبراهيم a accordé, a offert, a donné la prophétie à Abraham ووهب النبوءة لولديه إسحاق وإسماعيل عليهما السلام et il a donné la prophétie à ses deux fils Ismaël et Isaac ووهب النبوءة لحفيده يعقوب et il a donné la prophétie à son petit-fils Jacob ووهب النبوءة لابن حفيده يوسف عليه السلام et il a donné de la même manière la prophétie au fils de son petit-fils, ça veut dire Joseph, prière et salut sur lui. Fa Yusuf alayhi salam nabi. Joseph, prière et salut sur lui, était un prophète. Ibn Nabi, fils d'un prophète. Ibn Nabi, fils d'un prophète. Ibn Nabi, fils d'un autre prophète. Sulalatul Anbiya. Une lignée de prophètes. Wa wahab al-wahab li Ibrahim alayhi salam an-nubuwwata fi dhurriyyati. الأنبياء جميعا سيكون من ذريته. Et en plus de ça, Al-Wahhab a donné à Abraham la certitude que tous les prophètes seront de sa lignée. لا يستطيع أن يفعل هذا إلا الوهاب. Personne ne peut assurer cela dans le monde à part Al-Wahhab. لا إله إلا الله. Il n'y a aucune divinité à part Dieu. الشخصية الخامسة والأخيرة. La cinquième et dernière personnalité. محمد صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم هبة من الله للبشرية جمعاء محمد prière et sur lui est un don de la part de Dieu pour l'humanité entière وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde aux univers. محمد صلى الله عليه وسلم هبة إلهية عالمية. محمد prière et salut sur lui. Et tu es un don divin universel. محمد صلى الله عليه وسلم رحمة الله العالمية. Muhammad, prière et salut sur lui, est la miséricorde divine universelle. Al-Wahhab, wahab Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam, iddat ashiya. Al-Wahhab a accordé, a donné comme don, beaucoup de dons à Muhammad. Prière et salut sur lui. Al-Qur'an, le Coran. Hiba, le Coran est un don. Laylat al-Qadr, khayrun min alfi shahr. La nuit de la valeur, meilleure que mille mois, est un don. الإسراء والمعراج زيارة السماوات وفوق السماوات le voyage nocturne et l'ascension le voyage visiter le cosmos et au-delà du cosmos est un don نهر الكوثر le fleuve du كوثر est un autre don إلى آخره etc. أيها الإخوة والأخوات في الأخير أوصيكم ونفسي بتقوى الله à la fin je vous recommande et je recommande à moi-même la piété de Dieu أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى رأسهم سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وعلى كل من لسنته اتبع واقتفى أما بعد عباد الله après ceci serviteur de Dieu السؤال الخامس la cinquième question ما هو الفرق بين الرزاق عرفنا الرزاق اليوم نعرف الوهاب ما هو الفرق بين الرزاق والوهاب nous avons connu dans le passé Ar-Razzaq, le pourvoyeur de subsistance, le pourvoyeur par excellence de toute subsistance. Donc mon frère, quelle est la différence entre Ar-Razzaq et entre Al-Wahhab et le donateur par excellence? Al-Jawab, la réponse, An-Rizq mashrutun bis-sa'y. La subsistance est toujours conditionnée par l'œuvre, par le mouvement. أما الهبة فبلا شرط ولا وبلا مقابل. Tandis que le don n'est pas conditionné. Il n'y a aucune condition et aucune contrepartie. Ida amilt, ida sa'aita yarzuquk ar-razzaq. Quand tu travailles, quand tu œuvres, quand tu bouges, ar-razzaq te donne la subsistance. Amma al-hiba fahiya mufaja'a jamila. Tandis que le don est une belle surprise, ta'tika min al-wahhab, qui te vient de la part de l'wahhab, min ghayri sa'in wala amal, sans œuvre et sans action de ta part. Ar-rizq routini ya'tika kull yawm. La subsistance devient une routine parce qu'elle t'arrive chaque jour. Falamma tusbih routiniya tansa an tashkur ar-razzaq. Et lorsque la subsistance devient routinienne, tu oublies par la suite de remercier ar-razzaq. Amma al-hiba fa mufaja'a sarra. Tandis que le don est une belle surprise joyeuse, hadiya kabira, un immense cadeau. Ta'tika min al-wahhab, qui te provient de la part de l'wahhab, taj'aluk tabki amamahu min al-farha. Et elle, ce cadeau te pousse à pleurer devant lui par joie. U'ti ba'd al-amthila. Je donne rapidement quelques exemples. Tabhat an 'amal. Tu cherches un travail. Ou rappelle-toi, maintenant tu as un travail, rappelle-toi le jour où tu n'avais pas de travail et tu cherchais le travail. Kull ash-sharikat tarfuduk. Toutes les entreprises te refusent. Wa fi yawmin min al-ayyam يقبلك المدير. Et un de ces jours, le directeur d'une entreprise t'accepte. هذا القبول هبة من الله. Cette acceptation est un don de la part de Dieu pour toi. الذي قبل ليس المدير. Celui qui t'a accepté n'est pas le directeur. Réveille-toi. ولكنه الله. Mais c'était Dieu. إنه الوهاب. C'est le donateur par excellence qui t'a accordé l'acceptation. تريد أن تتزوج. Tu veux te marier, rappelle-toi le jour où tu voulais te marier. Wa kull al-a'ilat rafadatka. Toutes les familles t'ont refusé. Wa fi yawmin min al-ayyam taqbaluka 'a'ila. Et un de ces jours, une famille t'accepte. Hadihi hibatun min Allah. Il s'agit là d'un don de la part de Dieu. C'est pas la famille qui a dit oui, mais c'est le donateur par excellence. Az-zawaj hiba. Le mariage est un don. العمل هبة. Le travail est un don إلى آخره. تحتاج لمبلغ كبير. T'as besoin d'une grande somme. 10 000 euros, 5 000 euros, 20 000 euros, je sais pas. ورفض كل الناس. Et tous les gens ont refusé. Ils n'ont pas les moyens de te donner. وفي الأخير. Et à la fin, يأتيك أخ. Un frère vient à toi. ويعطيك المبلغ بسهولة. Et il te donne la somme avec toute facilité. هذه هبة من الله. Il s'agit là d'un don de la part de Dieu. أنت مظلوم. كل الناس تتهمك بجريمة. Tu es victime d'une injustice. Tout le monde t'accuse que tu es coupable d'un crime. وفي الأخير الله يبرئك. Et à la fin Dieu t'innocente. هذه هبة. Il s'agit là d'un don. أنت في ضيق. Tu passes par une crise. Anta qarib min haditha. Tu es proche d'un cheveu d'un accident. Wa fil akhir, Allah yunqidhuk. Et à la fin, Dieu te sauve. Hadihi hiba. Tusalli wa la tabki wa la ta'rif al-khushu'. Tu pries et tu ne pleures pas et tu ne goûtes pas au recueillement. Wa marra sallayt, une fois tu as prié. وبدأت تبكي في الصلاة. Et tu as commencé à pleurer dans la prière. هذه الدموع هبة من الله. Ces larmes sont un don de la part de Dieu. ولد عاص بنت عاصية. T'as un fils désobéissant, une fille désobéissante. أتعبك. Il t'a fatigué. أبكاك. Il t'a fait pleurer pendant des nuits. وفي يوم من الأيام يتوب. Et un de ces jours, le fils se repent à Dieu. ويبدأ الصلاة. Il commence la prière. هذه الهداية هبة من الله لك ولابنك. Cette guidance, cette orientation n'est qu'un don de la part de Dieu pour toi et pour ton fils. إلى آخره, etc. أيها الإخوة والأخوات, mes frères et mes sœurs, هناك علاقة بين الوهاب وعباده. Il y a une relation entre الوهاب et ses serviteurs. هذه العلاقة علاقة حب. Cette relation est une relation d'amour pur. الله لما يعطيك هدية كبيرة كما ذكرنا. Lorsque Dieu te donne un immense don, comme nous l'avons cité, هذه علامة منه أنه يحبك. Il s'agit là d'un indice de sa part comme quoi il t'aime. وكأنه يقول لك, et comme s'il te dit, يا عبدي, ô mon serviteur, hadiyati, hibati hadihi laka, mon cadeau, ce cadeau, ou bien ce don de ma part, laka dalilun ala hubbi laka, n'est qu'un symbole de mon amour pour toi. Rabbuka al-Wahhab yadfa'uka li an tuhibba, ton Seigneur al-Wahhab te pousse à l'aimer parce qu'il te fait des cadeaux nombreux et grands. فَإِذَا أَحْبَبْتَهُ صَرْتَ مِنَ الَّذِينَ قَالَ عَنْهُمْ. Lorsque tu l'aimes en contrepartie, tu deviens parmi ceux à propos desquels il a dit يُحِبُّهُمْ أَحَبَّهُمْ فِي الْأَوَّلِ وَأَحَبُّهُ فِي الثَّانِي يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ. Il les aime et il l'aime. حُبُّ اللَّهِ لَكَ هِبَةٌ. L'amour de Dieu pour toi est un don. وَحُبُّكَ لِلَّهِ هِبَةٌ. Et ton amour pour Dieu est un don. قال أحد العارفين l'un des connaisseurs de dit ليس العجب من عبد يتودد إلى مولاه. Ce n'est pas surprenant qu'un serviteur chérit ou achète l'amour de son maître. ولكن العجب كل العجب من ملك كبير يتودد إلى عباده. Mais ce qui est encore plus surprenant, c'est que un grand roi chéri ou achète l'amour de ses serviteurs. Rubbama yaqulu qa'ilun, peut-être quelqu'un va dire ma hadha adh-dhulm, c'est quoi cette injustice? Limadha Allah ahabba al-mu'minina faqat, pourquoi Dieu a aimé uniquement les croyants? Wa dafa'ahum li hubbi, et il les a poussés à son amour. Al-jawab, la réponse, Allahu ahabba jami'a 'ibadihi, Dieu a aimé tous ses serviteurs. Wa a'tahum ar-rizq jami'an, et il leur a donné la subsistance tous. وَأَعْطَاهُمُ الْهَدَايَ جَمِيعًا, et il leur a accordé les cadeaux tous. وَلَكِنْ فَقَطْ الْمُؤْمِنُونَ مِنْهُمْ هُمُ الَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَأَحَبُّوهُ, mais en contrepartie uniquement les croyants parmi eux qui ont cru en lui et qui l'ont aimé. وَفِي الْأَخِيرِ, il y a la fin, مَا هُوَ الْوَاجِبُ الْعَمَلِي, quel est le côté pratique أَمَامَ إِسْمِ الْوَهَابِ, devant le nom de الْوَهَابِ, هُوَ أَنْ تُحِبَّ حُبًّا لَا حُدُودَ لَهُ. هذا الذي أحبك, c'est que tu aimes un amour infini celui qui t'a aimé. ووهبك كل شيء, et qui t'a donné toute chose que t'as, que tu possèdes. وأن تعيش من أجله, et que tu vives uniquement pour lui. وأن تعطيه كل شيء في حياتك, et que tu lui donnes toute chose dans ta vie. وأن تفعل مثله, et que tu fasses comme lui. فتهب للناس مما وهبك, et tu vas donner aux gens de ce qu'il t'a donné. وتعلم الناس مما علمك, et tu vas enseigner aux gens de ce qu'il t'a enseigné. Et que tu aimes les gens comme il t'a aimé. Ou tuhib linnas, ou tuhib annas kama ahabbak. Akhi ukhti, frère, sœur, fil usbu' al-qadim al-thulatha ou al-arbi'a, la semaine prochaine, mardi ou bien mercredi, yabda shahru dhul-hijjah, va démarrer le mois du pèlerinage. Wal-ashra al-oula minhu ayyamun mubarakah, les 10 premiers jours de ce mois sont bénis ou extrêmement bénis. Fa'budullaha fiha, essayez d'adorer Dieu pendant ces jours. وَفْعَلُوا فِيهَا الْخَيْرَاتِ, et faites beaucoup de bien pendant ces jours. Coran, Coran, Qiyam, veillée nocturne, Siyam, jeûne, dhikr, évocation, sadaqa, aumône, ila akhiri, etc. وَأَكْثِرُوا مِنْ هَذَا الدُّعَاءَ الْقُرْآنِ, et prononcez en abondance ces invocations coraniques. رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ فَرْحَةً قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Seigneur, donne-nous de nos épouses et de nos enfants la joie et la paix de notre âme, et fais de nous un exemple de vertu ou un guide pour les gens pieux. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. Notre Seigneur, n'écarte pas nos cœurs du droit chemin après nous y avoir guidés, et fais-nous de ta part le don d'une miséricorde. إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَابَ, c'est toi par excellence le donateur, ou c'est toi certainement le donateur par excellence. زارنا أيها الإخوة والأخوات اليوم إخوة من مدينة بلفور فأكرموهم أكرمكم الله. Aujourd'hui il y a des frères qui nous rendent visite de la ville de Belfort, donc soyez généreux à leur égard. وبارك الله فيكم. اللهم إني داع فأمنوا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والعفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ألف على الخير قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب، يا من لا إله إلا أنت، يا وهاب، يا وهاب، نتوجه إليك في هذا اليوم ونقول لك: هب لنا إيمانا من غير شك. اللهم هب لنا حبا يفيض به قلبنا لك، هب لنا حبا لك يفيض به قلبنا. يا رب، هب لنا الخشوع في الصلاة، يا رب هب لنا الدموع، يا رب هب لنا الطمأنينة في القلب، يا رب هب لنا رزقا حلالا طيبا مباركا فيه، يا رب هب لنا رحمتك في الدنيا والآخرة، يا رب هب لنا رحمتك في الدنيا وعند الموت وفي القبر وفي الحساب وفي الصراط برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب هب لنا جنتك برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب اجعلنا من أحبابك ولا تجعلنا من أعدائك، وصل وسلم وبارك في هذا اليوم العظيم على سيدنا وحبيبنا محمد سيد الأولين والآخرين، صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.